Mégahertz, c'est l'Asile le plus sûr qui démarre, émission également podcastable sur asile35.blogspot.fr. Cette semaine, c'est un peu dur pour votre serviteur, donc on va se détendre pour attaquer avec une vieillerie, un groupe défunt. Il s'agit des Lounge Lizards, le fameux combo new-yorkais du saxophoniste John Lurie, avec un disque de la grande époque, le disque éponyme qui était sorti en 1981 chez Polydor, dans lequel on retrouvait à l'époque Arthur Lindsay, Mark Ribot ou encore le batteur Anton Fier, groupe défunt, je vous disais, puisqu'ils n'ont rien produit depuis la fin des années 90. J'imagine que John Lurie doit être en train de pêcher quelque part aux États-Unis, ou alors peut-être qu'il s'est consacré au cinéma, comme il avait commencé à le faire aux côtés de Jim Jarmusch à peu près à l'époque de cet album des Lounge Lizards de 1981. On écoute le titre qui démarre en fait, Incident on South Street par les Lounge Lizards. Yeah. heights, but no, we're not the great pretender. Flocks of cranes pass by, sound like breaking ice, yet their movements are tender. On a attaqué avec deux groupes qui étaient séparés de pas moins de 30 ans d'écart. Tout d'abord, les Lounge Lizards et leur premier disque, l'album éponyme qui était sorti en 1981. Ils ont été suivis un certain nombre d'autres, dont des sessions d'ailleurs qui étaient sorties aussi de concerts de l'époque où jouaient beaucoup au CBGB et autres clubs new-yorkais. C'était sorti sur Roar quelques années plus tard, donc là c'était l'époque où le saxophoniste John Lurie sortait juste de son film Permanent Vacation de Jim Jarmusch et commençait à pas mal se produire aussi sur les écrans. C'était enchaîné avec une toute nouveauté, plus exactement un disque en preview qui va sortir et qui est annoncé pour le 4 avril. Il s'agit de la seconde livraison de l'orchestre tout-puissant Marcel Duchamp. L'album s'intitule Roto Rotor. Il y a deux titres qui sont écoutables sur leur bandcamp comme le Cranes Fly qu'on vient d'écouter. Donc c'est le retour assez attendu d'ailleurs pour ma part du combo franco-suisse belgeo écossais, dans lequel on retrouve notamment le batteur Wilm Flumph, des mythiques Dog Fisted Hermans, le contrebassiste Vincent Berthollet de Spacehead, ou encore le guitariste de l'étrangleuse Monsieur Maël Salettes, pour un subtil mélange de post-punk mélangé à de l'afrobeat, donc un petit côté noise et aussi des relents un peu ska. Voilà, on va continuer avec tout autre chose et le nouveau disque de la jeune songwriteuse originaire du Missouri et basée à Chicago, Angel Olsen. Angel Olsen qui a beaucoup collaboré aux côtés de Bonnie Prince Billy. Elle faisait les chœurs sur ses albums. Ça lui est arrivé aussi de reprendre du Kevin Coyne et Dagmar Krause en compagnie de Monsieur Billy. Elle a un timbre de voix qui fait un peu penser à celui de Marissa Nadler aux côtés de laquelle elle a collaboré, ou encore de la chanteuse des Cowboy Junkies. Angel Olsen qui sort ces jours-ci un tout nouveau disque sur le label Jaguar. Il s'intitule Burn Your Fire for No Witness. Et je propose d'écouter le titre que je trouve le plus emballant de cet album, même si c'est plutôt assez réussi dans l'ensemble, un petit côté lo-fi pour ces pièces de folk sur la corde raide par Mademoiselle Angel Olsen. magic, it all just falls apart. But when I look into your eyes, it pieces up my heart. If I only had an answer to put it all to bed, I wish sometimes I could take back every word I've said. Done. Fear. À l'instant, dans l'asile le plus sûr, on a démarré avec le tout nouvel album de Mademoiselle Angel Olsen. C'est son troisième disque en date. Je la découvre avec cet opus, Burn Your Fire for No Witness. Ça sort plutôt dans quelques jours sur Jaguar, le 17 février, très exactement. Une sorte de folk un peu sur la corde raide et très low-fi, comme vous avez pu vous en rendre compte sur le titre White Fire qu'on a écouté. L'album est plutôt comme ça de bout en bout, très dépouillé. Alors j'ai pas réussi vraiment à suivre les textes, mais apparemment elle a des textes aussi assez crus et assez intéressants. C'était enchaîné avec le retour des Marquises et leur deuxième disque qui lui aussi doit sortir à peu près à la même période, le 17 février sur le label Nancéen Ici D'Ailleurs. Il va s'intituler Pensée Magique et on écoutait un premier extrait en preview qui est une vidéo qui a été postée par le label il y a de ça une dizaine de jours sur YouTube. Les Maîtres Fous, on y voit pas mal d'insectes, des allumettes en combustion et tout autre chose. Et sur ce titre, il y a un featuring de Don Nino. Alors, l'album est assez prometteur pour ce combo de Lyon et d'Austin, pour lequel je n'avais pas été extrêmement convaincu par leur premier opus, Lost, qui était sorti en 2010. J'étais un petit peu échaudé, je pense, par la production qui était un peu trop léchée. La musique était plutôt d'assez bonne facture, très post-kraut. Celui-ci a l'air d'être un peu plus bigarré, donc on écoutera la production des Marquises lors de la sortie de l'album le 17 février. On continue avec une nouveauté, cette fois-ci le disque est sorti, il s'agit du nouvel album de The Silver Empty Zion Memorial Orchestra, septième album pour l'orchestre punk canadien du guitariste de Godspeed You Black Emperor, monsieur Ephraim Menouk. Six titres fleuves comme à leur habitude. L'album s'intitule Fuck Off, Get Free, We Pour Light on Everything. Et c'est le premier album long depuis Collapse Traditionales qui était sorti en 2010. Juste pour vous signaler aussi que The Silver Empty Zion sera en concert dans le cadre de la Route du Rock Collection Hiver à Saint-Malo. Ce sera le 21 février à la Nouvelle Vague. Je vous propose d'écouter un titre qui fait pas loin de 15 minutes de The Silver Empty Zion Orchestra, le titre que je retrouve mes notes, Austerity Blues. C'est parti. We'll be right back. Austerity Blues, un extrait assez long d'un titre qu'il est tout autant de cette nouvelle livraison de The Silver Empty Zion Memorial Orchestra. L'album aussi un titre à rallonge, on va le réduire en Fuck Off Get Free, album qui vient de voir le jour sur Constellation, tout comme ses prédécesseurs. Donc le retour de The Silver Empty Zion Memorial Orchestra et sa musique qui fonctionne un peu comme un poison qui se répand en nous petit à petit, une livraison à peu près du même tonneau que les précédentes, mais ça fait toujours plutôt plaisir d'avoir de leurs nouvelles. Voilà, on va continuer avec un autre groupe dont on n'avait pas entendu parler depuis un petit moment. Il s'agit des Mancuniens de Gnod, groupe psyché dronesque qui existe depuis le milieu des années 2000, un combo psychédélique à géométrie variable qui mélange nappe électronique, guitare avec écho et autres reverb dans une ambiance un peu post-Ashra Temple. Le label Aguirre Records réédite ces jours-ci un disque qui était sorti en CDR et également en cassette chez les Belges, notamment de Slow Tapes, et donc désormais en 33 tours chez Aguirre Records. Ces deux longues pièces de 20 minutes assez tripantes avec des mélanges donc de nappes drone électronique, des conversations dans le lointain, une machine à écrire assez énigmatique. Je propose d'écouter le premier titre de ce très long titre d'ailleurs de 20 minutes de Gnod, extrait de ce disque assez typique de la musique de ce groupe, The Somnambulist Tale. Try to visualize yourself. On a démarré avec cette histoire à dormir debout du collectif de Manchester Knod, avec ses sonorités de style drum sous acide et cette réédition de leur album de 2009, The Somnambulist's Tale, qui est réédité par les bons soins du label belge Akir Records. Et comme il faut bien se réveiller un jour, on a enchaîné avec le titre Sleep de monsieur Stéphane Jauerzin. Stéphane Jauerzin, figure de l'underground londonien de ces 30 dernières années, notamment pour sa participation au fameux groupe industriel Noise White House ou encore à Skull Flower. Stéphane Jauerzin, dont on parle pas mal ces jours-ci, avec notamment une anthologie de pièces enregistrées dans des sessions du côté de Bristol entre 1982 et 1983 sous le titre Eaten Away by Shadows, dont était extrait ce Sleep d'ailleurs. C'est un CD qui est sorti sur le label Shock et qui est distribué grâce au label britannique Blackest Ever Black, qui lui réédite aussi des pièces de à peu près la même époque, un florilège de titres de minimal synth wave, ou plus exactement des pièces au synthi AKS de 1982 du même Stéphane Jauerzin sous le titre Drained of Connotation. Voilà, on va continuer avec un disque qui marque la rencontre, ou plus exactement les retrouvailles, entre les stars du drone doom américain, le fameux groupe Sun de monsieur Stéphane O'Malley, qui retrouve le combo norvégien Ulver sur un disque à paraître ces jours-ci. Je crois que ça sort le 4 février sur le label Southern Lord sous le titre Terrestrials. Alors l'album est déjà en précommande et apparemment c'est déjà un best-seller, puisque le colored vinyle édition rouge est déjà épuisé et le noir vient juste d'être pressé. Il s'agit en fait d'une session enregistrée en marge d'un festival où était invité le groupe Sun, et donc qui a rejoint ses camarades de Ulver, avec lequel ils avaient déjà croisé le fer au début des années 2000. Ulver, qui est un groupe qui s'est donné pour mission de mélanger le black metal norvégien avec du folk, des musiques minimales ou encore un peu improvisées jazz. Ça donne une tambouille assez étonnante, d'autant qu'ils sont rejoints par pas mal de musiciens. C'est un groupe un peu à géométrie variable. On y retrouve notamment monsieur Daniel O'Sullivan, plus connu comme membre de Guapo dans le fameux combo Ulver, donc pas que des Norvégiens finalement. On va écouter un extrait de ce Terrestrial, ce qui consiste en trois pistes qui dessinent le cycle journalier du soleil. Un disque qui est offert à nous, pèlerins perdus. Merci Ulver et Sun. Je propose d'écouter le lever du soleil, donc le titre Letzer Belight. l'instant, l'Asile de Bussieu, vous avez pu entendre tout d'abord un extrait de cette ode au soleil des groupes Sun et Ulver réunis. L'album s'intitule Terrestrials. Il sort ces jours-ci sur le label Southern Lord. Alors, c'est pas extraordinairement dynamique cet album. C'est plutôt une sorte d'ambiante un peu drone doom, ce que pratiquent assez régulièrement ces deux formations américaines et norvégiennes. Et c'était enchaîné avec un disque qui était presque plus métal que le précédent. Il s'agit du tout nouveau disque de Helm. Helm, qui est le projet de monsieur Luke Younger, moitié du combo britannique Birds of Delay. Je vous ai proposé la musique de son acolyte Stephen Warwick, alias Hit Sick, il y a quelques semaines dans l'Asile le plus sûr. Et donc là, il s'agissait de la musique de Helm, qui vient de faire paraître un nouvel EP maxi sous le titre The Hollow Organ sur le label de monsieur Bill Cooligas, Panact Records. Voilà, on va enchaîner avec une séquence cette fois-ci de jazz. Il s'agit de Leto avec le coffret quadruple Chose Clandestine qui vient tout juste de sortir sur le label Block Tiristor. Après Brigantin, qui avait sorti un coffret sous le titre La fièvre de l'indépendance, coffret 3 disques, où on retrouvait Jean-Noël Cognard à l'origine de l'ensemble de ses projets, en compagnie des trombonistes Connie et Johannes Bauer et du contrebassiste Barry Guy. Le batteur remet le couvert et affûte ses fûts, cette fois-ci en compagnie de trois autres vétérans de l'improvisation de ces 40 dernières années, à savoir le pianiste Keith Tippett, le clarinettiste Michel Pils et le contrebassiste Paul Rogers, pour des sessions en studio qui explorent les multiples combinaisons du jeu à 4, à 3, à 2 ou encore 1. En solo. Il s'agit d'un coffret quadruple vinyle assez somptueux qui présente également l'intégralité d'une session concert qu'ils avaient donnée aux Instants Chavirés, je pense en 2013, puisqu'il s'agit d'un projet très très récent. La prise de son et le mixage est de monsieur Patrick Muller, qui coproduit ce coffret avec son label Trace Lab. Les textes, les photos sont de Philippe Renaud et il y a des très belles illustrations de monsieur Micapus. Voilà, on va écouter deux extraits de ce coffret Leto, Chose Clandestine, et on démarre par un trio entre donc Jean-Noël Cognard avec donc Michel Pils, et il n'y aura pas donc Keith Tippett, il y aura Paul Rogers. Donc voilà, on écoute ça tout de suite avec ce titre extrait de Leto, Chose Clandestine, le morceau 3 scripts abandonnés. Thank you. L'intrigue devient plus sombre. Un second extrait de ce coffret quadruple vinyle, Leto, chose clandestine, où on retrouvait le batteur Jean-Noël Cognard, rejoint par le pianiste Keith Tippett, donc le clarinettiste Michel Pils et le contrebassiste Paul Rogers. Donc deux extraits à suivre, tout d'abord en trio et en quatuor. S'il s'agissait donc des sessions studio, il y a aussi deux vinyles qui illustrent leurs frasques en concert. Et pour la petite histoire, donc cette histoire remonte aux années 80, à une époque où Jean-Noël Cognard avait rencontré le clarinettiste allemand Michel Pils, session qu'il a éditée en vinyle sous le titre de Binôme, et depuis ils sont inséparables. Et donc Jean-Noël Cognard continue à provoquer pas mal de rencontres en compagnie de vétérans de la scène improvisée européenne, comme celle qu'il avait pu faire aux côtés aussi de Barry Guy et Connie et Johannes Bauer, avec cet autre coffret Brigantin, ces deux coffrets édités par son propre label Block Tiristor, distribué d'ailleurs par Metamkin. Voilà, on va se quitter avec non pas une nouveauté cette fois-ci, mais un disque qui était sorti en 2012. Il s'agit du projet, plus exactement du groupe sous le nom de Project Undark, et l'album Radium Girls 2011. Project Undark, qui est la rencontre entre Dieter Moebius de Cluster et deux chanteuses vocalistes japonaises, notamment la fameuse Fiu, qu'on avait pu connaître notamment par ses projets en compagnie de musiciens de Cannes au début des années 80, et Erika Kobayashi. Donc le projet Undark, cet album Radium Girl 2011, qui illustrait un fait qui s'était passé dans le New Jersey en 1920, lorsque des femmes d'une usine qui devait apposer de la peinture sur des montres. Il s'agissait de peinture au radium, et donc elles avaient été empoisonnées par les radiations. Donc le disque s'est emparé de ce fait assez sinistre pour proposer donc une musique ambiante un peu post-apocalyptique, plutôt pas mal, et qui va nous servir donc de conclusion à l'asile le plus sûr pour cette semaine. Je vous rappelle que les playlists et l'ensemble des émissions depuis la rentrée est podcastable et entièrement écoutable en streaming sur le blog de l'émission asile avec un z.blogspot.fr. Voilà, on écoute Project Undark. Il me reste à vous quitter en vous souhaitant une très très bonne nuit et une bonne semaine. À bientôt. アイダホ州アルコから29km南東の砂漠にアルゴニー国立研究所のウォルター・ジンらによって高速増殖炉エクスペリメンタルブリーダーリアクターナンバーワン EBR ワンが設計され初めての原子力発電が行われた。原子の力で200ワットの電球が4つ灯る。 3051. The first nuclear power generation was performed. The experimental breeder reactor EBR-1, designed by Walter Dean at the Algonquin National Laboratory in the desert, 29 kilometers southeast of Argo, Idaho. Light bulbs were lit with nuclear power.